printemps qui a fleuri fait transpirer le macadam. Sur l'autoroute de l'Ouest, un séminariste à moto, j'ai merdé à moto, roule à toute allure vers un point non défini. Important. Voilà. Ce soir, on va vous jouer des extraits du show qu'on a présenté à l'automne dernier à l'occasion de mes 40 ans de discographie. Je dis des extraits parce que le show durait presque 3 heures. Donc... Ok ? Percer la France Télévision qui t'offre ses documentaires sur les stations d'épuration. Vérité sous la canicule, parfois dans ton terreau actif, et tu pleures au milieu des murs de ton sushi résine. Yeah. Fernando sans le le campus, il avait vaincu Hidalgo. On avait l'âge de nos fêlures et on était pros jusqu'à là. On était casqués, fumés en bas, comme la guerre des morts. Dans la guerre des morts. On arrosait toutes nos victoires à coups de verre et des filles. Il veut de joie et sans savoir, on reprenait l'air, c'est fini. C'était le charme en équipe auprès des tigres de l'uniforme qui libérait la flèche de pied en bas dans la plaine des morts. Quel est le meuble des printemps à l'heure de sortie de l'école quand les filles jouent le 16 ans pour les filles. Thank you. Que barbare glissaient dans leur froc en riant de leur tube. vieilles balades depuis des années 80. Atlantique souterraine. Bien que j'appelle les buts le tout début. On va leur faire. Merci. Excusez-moi. Laisse allumer, y'a personne. sûr. Ce sera sans doute le jour de l'immatriculé contraception ou comme ça. Cette année-là, exceptionnellement, le 15 août tombera vendredi 13. Et j'apprendrai par Radio Mongole International la nouvelle de cette catastrophe aérienne dans le secteur septentrional de nos hémisphères cérébelleux. Là où je mouille mes tankers de lucidité comique les nuits où je descends la dernière avenue du globe entraînant ma tête dans un sac en plastique. Un vendredi 13 à 5h. Sur la spétrée mococtée, dans la banane d'Ale Muerto. Avec ma tête pour mise en quitte et ma dysenterie au solo. Et les anges de la dernière scène viendront s'affronter à ma trouille. Passeport, visa, contrôle des gènes. Et Radio Grand-Fille de Machetouille. Sur le compteur, nuages glacés à fleurs de peau dans l'étrangeresse et lenteur. Et pour arroser mon départ, je voudrais que mon corps soit distillé. Et pour me we'll be right back. composé à l'école pendant les cours de, à les cours de philo, je pense. Comme quoi l'éducation nationale, ça peut servir quand même. Des conneries. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as caché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder. Toujours appuyé sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je t'en remets au vent. Toi, tu essayes de comprendre ce que mes chansons voulaient dire. Dans l'existence, tu m'encourages à écrire, mais moi je reste hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique, on en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je reconnais mes erreurs, indifférent à ton amour. J'accuse mes imbuvables humeurs, mais toi ne te retourne pas. Va droit sur ton nouveau chemin, je n'ai jamais aimé que moi, et je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je t'en relève au vent, mon pauvre amour. Sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour. Je t'enlève au vent. Attention, attention, la concierge se trouve actuellement dans l'escalier, mais comme elle ne le sait pas, j'ai prié de ne pas la déranger. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. En provenance de la ville, les pieds seront encombrés de produits. Laissons claquer leur mâchoire dans le vent. En des heures de discours de bienvenue. En des heures de discours de bienvenue. J'arriverai par là. Veuillez dégager le vide en mur, s'il vous plaît, et le principe. Ça va? Mais carrément, ça sort de tout un peu quand même. Mais il y en a un qui dort, là, je crois. C'est pas grave. Hein. Bon. Le jour de mes 21 ans, qui était à l'époque l'âge de la majorité, j'ai composé cette chanson en m'apercevant que la plupart de mes copines étaient restées mineures, enfermées dans les cabinets avec la fille mineure des 80 chasseurs. Vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Je me dis bravo et vive la mort. Alligator 427 à la queue de jungle et de sang. Je vous tape une petite reniflette. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu au Mont Sapiens pour acheter les Néandertals. Je vous attends. Moi je vous dis bravo dans ce vieux satellite usine. Manufacture de recyclage, des mélancolies en usage. Ensuite, à Paris, we'll be right back. Daniel, Maëva Lebert et Jeff Assi. Au saxo, Fred Castard. À la batterie, Bruce Shelby. À la basse, Marc Perrier. À la guitare, mandoline, banjo et slide, Yann Péchin. À l'orgue et clavier, Fred Scamps. À la guitare, côté jardin, Alice Beauté. Ils ont réalisé les arrangements et les nouvelles orchestrations au piano et clavier, Christopher Borg. Et à la guitare, Lucas Tiefel. Merci pour votre accueil. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci à vous. fait semblant de la vie, ça baisse. Une heure vingt. Même pas la déchise avait déjà commencé.